Frédéric Segris, c'est à vous que revient la lourde tâche de clore ce 5-7 de l'année 2021. Alors pour ce 24 décembre, est-ce que vous vous êtes laissé gagner par le bel esprit de Noël ? Mais tout à fait Laetitia, et pour l'occasion je vais faire une petite entorse à notre code de laïcité en vous parlant d'un film religieux particulièrement de saison, Matrix Résurrection. Il y a des gens qui croient à Jésus ou Mahomet, moi je crois à Neo. Keanu Reeves, Saint Thomas Anderson. Ce petit informaticien au teint blafard qui, une fois éveillé, fait du kung-fu contre des conseillers bancaires habillés en curé avec des lunettes de soleil. Matrix des sœurs Wachowski, Laetitia, c'est ma religion. Quand Matrix est sorti en 1999, j'ai vu le film 9 fois au cinéma. 9 fois! Je suis moins souvent allé voir ma famille aux Antilles. Alors, je sais ce que vous allez me dire, hein, Laetitia. 9 fois, c'est beaucoup, Frédéric. Et il vous en a fallu du temps pour comprendre le film. Car vous êtes comme ça, Laetitia. Vous cachez maladroitement derrière ce sarcasme mondain le fait que vous êtes une petite pelote d'émotions fragiles qui repousse les autres pour mieux les protéger. Soit ça, soit vous me trouvez vraiment très con. Mais Matrix est tout bonnement mon film préféré. Tout genre et toute époque confondu. Influencé par les animés japonais, le cyberpunk, le cinéma de Hong Kong, les jeux vidéo, la caverne de Platon et les écrits de Baudrillard, Matrix, c'est la Japan Expo organisée à la Sorbonne. Avec un ami, j'ai passé des heures et des heures à analyser le moindre plan de la trilogie ou des dessins animés Animatrix, à chercher à comprendre les différents degrés de lecture, tel un orthophoniste devant Jean Lassalle. Déjà, à la base, je trouve qu'un film qui assume de présenter l'humanité comme un virus gagne à être vu. Et ce que je trouve formidable, c'est que l'idée même du héros dans Matrix est en transition permanente sur toute la saga. On commence avec un affrontement assez basique, entre l'homme et la machine, sujet assez cliché dans la science-fiction. Hein, c'est vrai, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus et les machines sont là pour nous faire chier. Quiconque a oublié un mot de passe un jour dans sa vie sait que les machines ne sont pas nos amis. Sans quoi elles nous demanderaient pas de prouver qu'on n'est pas des robots en indiquant où sont les palmiers ou les feux rouges. Parce qu'en plus, si la machine sait sur quelle image il y a des palmiers ou des feux rouges, c'est peut-être qu'elle aussi c'est pas un robot. Ou alors on l'est tous les deux et on le sait pas et ça sert à rien. Enfin bref, Matrix, ça commence comme Terminator, mais très vite, on va se rendre compte que le héros n'est qu'une variable d'un système. Une sorte de résistance autorisée. Un peu comme les chroniqueurs sur France Inter qui dénoncent les GAFA en espérant que la vidéo de leur chronique fasse beaucoup de vues sur YouTube ou Facebook. Et au final, on comprend que tout depuis le début est orchestré par des programmes, ni hommes, ni machines, qui n'ont ni corps, ni enveloppe, mais qui sont l'incarnation d'une nouvelle forme de vie, débarrassée de contingences matérielles. Et les sœurs Wachowski ont écrit une franchise à la gloire de la transition, ce qui s'explique particulièrement bien à l'aune de leur parcours. Et donc, à l'annonce de la sortie de Matrix Résurrection, je me suis dit qu'il était temps que mon fils de 12 ans voie le premier. Je me suis demandé est-ce qu'il a l'âge, et puis je me suis rappelé qu'il avait entendu Manuel Valls, Éric Dupond-Moretti, puis Éric Zemmour à la matinale. Donc son enfance s'est achevée il y a longtemps. On a regardé, et au bout d'un peu plus d'une heure, il m'a demandé « Papa, on peut faire pause ?» Alors là, je lui ai dit « Bah oui, pourquoi ?» Et là, il me dit « Les agents dans la matrice, les méchants, ils prennent possession du corps de ceux qui savent pas qu'ils sont dedans ?»« Oui. » »« Donc quand Neo et les autres, ils leur tirent dessus, ils tirent sur des innocents qui savent pas qu'ils sont prisonniers ?»« Oui. » Mais t'as vu le bullet time, comment c'est trop bien fait ?» Et puis papa, si tous les agents sont des hommes blancs, c'est parce qu'elles veulent montrer que c'est toujours des hommes blancs qui emprisonnent. Et là, je me suis dit deux choses. Un, ils nous écoutent beaucoup trop parler, sa mère et moi, et on est en train de faire une sorte d'islamo-gauchiste déconstruit de niveau olympique. Guillaume Meurice, ça va être un centriste à côté de mon fils. Et deux, qu'on a beau toujours s'inquiéter pour les générations futures, on oublie qu'elles n'ont jamais connu le monde d'avant et qu'elles s'adaptent toujours envers et contre tout. Le premier Matrix, c'était une révolution pour moi qui suis né en 77, mais pour des enfants nés au-delà des années 2000, l'idée d'une matrice virtuelle, d'un monde où on peut être quelqu'un d'autre, c'est quasi une normalité. Et au fond, c'est toute l'histoire de la matrice. Quelle que soit celle que l'on a connue, elle sera amenée à être remplacée par un modèle plus performant, et la vie n'est finalement rien d'autre qu'une obsolescence programmée. Et allez hop, joyeux Noël! Merci Frédéric Segris.